Lettre 116e et dernière, appelait sa Junia Marcella, Nicomédie, juin 305. Dans 3 jours, la veuve et les orphelins d'Agathoclès se mettront en chemin pour se rendre près de toi. Je les accompagnerai. Je ne l'ai presque pas quittée depuis la mort de son mari, et j'ai eu bien des occasions de reconnaître la force d'âme avec laquelle elle se soumet à la volonté de Dieu et de son époux. Il l'a priée de vivre, cela lui suffit. Elle soigne sa santé comme si c'était la chose la plus précieuse, parce qu'elle appartient à ses enfants, à ceux d'Agathoclès, et qu'elle a concentré sur eux toutes les affections de son cœur. Jamais, sans même l'excepter, il n'y eut de mère plus tendre et plus dévouée. Ce n'est pas seulement des êtres à qui elle a donné la vie et qui ont besoin d'elle, c'est le legs d'un époux toujours présent à sa pensée. Elle parle souvent de lui, et c'est l'entretien qu'elle préfère. Elle ne se prête à tout autre que par complaisance. Ses conversations semblent la soulager plutôt que lui faire du mal. Hélas, les plaies de son cœur ne peuvent se rouvrir, car il n'a pas cessé un moment de saigner. Aussi, malgré tous ses efforts pour obéir, je ne crois pas qu'elle vive longtemps. Il faudrait pousser l'égoïsme jusqu'à la cruauté pour le désirer. Nous et ses enfants, nous perdrons immensément à sa mort, mais elle n'est qu'à moitié sur cette terre que son Agathoclès a quittée. La meilleure partie d'elle-même l'a devancée et le reste doit se flétrir. Une seule chose pouvait l'occuper outre ses enfants, c'est le sort de Constantin. Elle a reçu une lettre de lui par l'entremise du roi d'Arménie, il est Auguste. Arrivé sur les frontières de la Gaule, il trouva son père dangereusement malade et sur le point de se faire transporter en Bretagne. À peine furent-ils arrivés à Eboracum qu'il expira dans les bras de son fils. Les légions ne balancèrent point entre le fils de leur César bien-aimé et un homme vil et méchant, nommé Marcius Alpinus, que Galerius leur avait proposé. Ils reconnurent publiquement Constantin pour leur empereur. Il lui mande lui-même cette intéressante nouvelle avec tous les détails dont un ami est capable et sur le ton d'un homme qui souffre doublement que la pourpre qui le décore soit obscurcie par la perte de son père, et celle du précieux ami qui s'est dévoué pour lui. Théophanie lut cette lettre avec enthousiasme. Elle fondait en larmes, joignit ses mains et porta ses regards au ciel. « Oh, mon Agathoclès » prononça-t-elle avec tendresse. « Tu as prévu la gloire de ton ami, et tu sais à présent que ton noble sacrifice n'a pas été inutile. Voilà ta récompense. » Elle se retira et s'enferma dans sa chambre. Longtemps après, elle en sortit, pâle, émue, mais son regard et le son de sa voix avaient un calme, une douceur, une expression que je ne puis te rendre. Ses yeux furent pleins de larmes toute la soirée, mais elle ne paraissait pas celle du malheur, et elle avait redoublé de tendresse pour ses enfants. Il paraît en général qu'elle trouve des consolations d'une nature qui surpasse nos idées et le pouvoir de l'entendement humain. Il lui semble que son Agathoclès n'est pas entièrement mort pour elle, qu'elle n'est pas tout à fait séparée de lui. C'est comme si un lien invisible et des rapports secrets existaient entre eux. Il ne m'appartient pas de décider quel degré d'influence peuvent avoir sur son âme, la religion, l'imagination, la réalité, ou l'effet d'une tête exaltée par un grand malheur. Si c'est une illusion, elle est bienfaisante, et je me garderai de la détruire par de froids raisonnements. Qui de nous connaît les lois du monde spirituel et les bornes de la puissance divine, qui osera prononcer qu'une chose aussi étonnante ne puisse avoir lieu parce qu'elle est hors de notre expérience? La sagesse doit convenir que nous n'avons cela, comme sur bien d'autres mystères, aucune notion positive. Aussi devons-nous désirer que notre malheureux ami conserve cette idée consolante jusqu'à ce qu'il plaise au Créateur de rompre les faibles chaînes qui retiennent son âme dans son enveloppe terrestre, pour la réunir éternellement à celui qui depuis son enfance fut un autre elle-même et dont elle croit ne pouvoir être séparée. Constantin servira de père au jeune Agathoclès et toi, bonne Junia, tu seras la seconde mère de la jeune Larissa. J'ai fini l'histoire de ce couple malheureux. Galerius mourut 6 ans après et son règne fut marqué par les persécutions les plus cruelles contre les chrétiens. Ce ne fut qu'après une longue série de combats, de maux et d'une succession considérable d'Auguste et de César que le monde commença à jouir des bienfaits du sacrifice d'Agathoclès. Le plan sublime qu'il avait formé avec Constantin pour propager la religion chrétienne et la rendre universelle se réalisa enfin lorsque Constantin devint souverain de tout l'Empire romain. Il transporta le siège du gouvernement à Byzance, qu'il nomma capitale de l'Empire, et laquelle il donna le nom de Constantinople. La religion chrétienne se répandit bientôt dans ces États. Les essais que l'on fit plus tard pour la détruire furent inutiles, et l'on connaît par l'histoire les suites de ce grand événement. Ainsi se termine Agathoclès, ou Lettres écrites de Rome et de Grèce au commencement du IVe siècle, de Caroline Pichler.